Vous écoutez Radio Différence, une émission de radio nantaise faite par les personnes ayant des difficultés psychiques. Vous pouvez nous écouter sur le site www.radiodifference.eu et nous contacter à radiodifference@gmail.fr. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est l'image des personnes souffrant de handicap psychique dans la société. Ce que moi j'avais noté par la réputation des malades psy. André va également nous lire un texte sur l'habitat. Bonjour, je suis André. Je vais vous parler de l'habitat et du logement. D'abord, une citation de Winston Churchill. Nous façonnons notre demeure, puis c'est notre demeure qui nous façonne. J'habite le quartier Beaulieu à Nantes depuis 1982. C'est un quartier que je connais bien maintenant pour y avoir passablement souffert, où je souffre encore et où je mourrai peut-être. J'écris en cette soirée de fin juin au Crapat, lieu de nature où il y a des arbres, le monastère des Carmes derrière moi, lieu de silence et de prière, la Loire devant et au-delà la propriété du général Cambronne, celui qui a dit un jour le fameux mot. Comme je viens de dire, je souffre, mais je suis un blessé léger. Je souffre d'égratignures, de démangeaisons au système nerveux et au psychisme. Dans ma jeunesse, j'habitais chez mes parents. C'était la petite maison dans la prairie. Il y avait un grand jardin, des fleurs. J'ai continué de retourner vivre chez mes parents régulièrement jusqu'à leur mort, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'ai eu 50 ans. À Nantes, je vis dans le béton, entouré de voisins pas très gentils ou indifférents, qui blessent à plaisir ma sensibilité délicate. Moi qui étais fait pour vivre dans un monde de bisounours, ce n'est hélas pas le cas. Parfois, j'envie mon neveu ou le frère de mon beau-frère qui ont eu la sagesse de ne jamais quitter leurs parents et la maison familiale. Ne jamais quitter le nid, quel rêve! Moi, tombé dans la psychiatrie, j'ai dû confectionner mon nid, trouver des chambres d'hôtel ou auberges de jeunesse d'abord, puis un appartement à Rouen et enfin à nouveau à Nantes, à 300 km du paradis de mon enfance finistérienne. Un moment, traversant la France en voiture, j'ai envisagé d'habiter une grotte dans les Cévennes, un ermitage à la François d'Assise, sans les frères, quelque part, ou me faire admettre définitivement dans un monastère, ou une famille d'accueil avec des gens qui prendraient soin de moi et me seraient une compagnie, avec un chat, un chien. Mais je vis seul depuis maintenant 32 ans, alors que j'avais quitté mes parents pour chercher l'amitié, l'amour, la joie, je n'ai rencontré que moi, la tristesse, la solitude, l'angoisse. Encore heureux d'avoir un toit. Mon logement n'est pas très grand, surchargé de livres et de papiers, la poussière attend parfois longtemps le passage du balai. Dernièrement, le sol de ma cuisine a subi un nettoyage au lave-pont. Il était 5 heures du matin et ça m'a pris tandis que je regardais un reportage sur les années 80 à la télé. Comme quoi, il ne faut pas désespérer. Le ménage finit toujours par se faire. Bonjour, je suis donc Gérard et je vais vous parler de la réputation et de l'image du handicap psychique. Ces deux termes participent d'une même envie de hausser le ton. Au moins aurait-il des raisons de déprécier les malades psychiques pour les faire entrer dans la famille des dangereux, des pas fréquentables. Et vous voudriez qu'ils se coulent dans le moule de la médiocrité ambiante? Non! Alors, c'est quoi un malade psychique? Une tête de massacre? Un punching ball sur lequel il faut frapper? Vous rêvez de les mettre tous sous les verrous? Mais comment arriver à cela? À grand renfort de préjugés, d'idées toutes faites, d'articles de journaux à sensation, de médias infâmes qui salissent tout. Apprenez, monsieur et madame, que le schizophrène vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Vous rêvez de règlements de comptes sanglants, de rites fratricides, inspirés d'un mauvais coup de couteau dont le schizophrène est loin d'avoir le monopole. Apprenez d'autre part que de nombreux spécialistes voudraient ouvrir les portes des HP, c'est encore le meilleur moyen de les vider, mais les patients vont tourner autour, encore un moment. L'opinion publique ne voudra pas, et pourtant, imaginez que cette maladie vous ait mis à mal, vous-même. Comment l'entendriez-vous? Qu'en diriez-vous? Quelle réaction auriez-vous en cas de rejet? Vous tremblez de peur, voilà le nœud de la question. Les malades dans la ville, mais vous n'y pensez pas. Le schizophrène criminel est coupable, mais non responsable. Vous aimez bien cette formule, mais quand il faut en tirer les conséquences, vous y réfléchissez deux fois. Recentrons un peu notre propos. Parlons de l'image du patient, celle que tout un chacun se donne à voir. Sale, débraillé, mal rasé, des marches hésitantes, semblant tout à fait ailleurs, sinon une cigarette ici et là. L'image que je développe ici est celle que les gens reçoivent, et par la même, rejettent. L'image du fou n'existe plus, pas plus que le fou lui-même, mais persiste néanmoins. Les patients veulent être parmi nous, avec nous, dans les stades, dans les salles de spectacle, ils veulent vibrer au concert, etc. Pour conclure, la réputation fait l'image, et l'image fait la réputation. Il faudra casser ce binôme infernal dans lequel nous débattons. Nous aurons du mal, mais nous y arriverons certainement, si nous nous en donnons les moyens, lesquels sont en nous. Bonjour, je suis André François, et je vais vous parler à propos de la réputation des malades psy. Je veux aussi faire une petite citation. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. C'est quelque chose qui me paraît très symptomatique. En fait, il n'y a pas seulement les personnes qui ont des problèmes psy, mais il y a d'autres catégories de personnes qui sont mal vues. Il y a, par exemple, et certainement les chômeurs, mais aussi parfois les artistes. Et j'ai connu aussi des rentiers, des jeunes rentiers, qui, ma foi, n'étaient pas très bien vus par leurs voisins ou leurs amis, parce qu'ils ne travaillaient pas, ou très peu. Le rentier en question, il avait bénéficié de beaucoup de... il avait hérité de sommes très importantes, et d'une maison, et d'une voiture, et de meubles à n'en plus finir, donc il avait vraiment tout ce dont il avait besoin, et il travaillait quand même 1h30 par jour, à livrer des journaux au petit matin, et sinon il ne faisait rien, et ça posait beaucoup de problèmes à sa compagne, à ses enfants aussi, parce qu'il ne travaillait pas. Ne pas travailler, ne pas être intégré normalement dans la société, c'est quelque chose qui choque. Les chômeurs aussi peuvent choquer. Pour ma part, je suis à la fois malade psy et chômeur, donc je cumule les casquettes. Et là aussi, je me souviens, quand j'habitais dans un petit village où tout le monde se connaissait, tout le monde remarquait « Ah, André est de nouveau au chômage ». Évidemment, la voiture reste devant la maison. On part peut-être quand même tous les jours, mais à des heures irrégulières. On ne peut guère cacher que l'on ne travaille pas, à moins d'être un spécialiste de la dissimulation qui arrive. Il y a eu comme ça des gens qui étaient sûrement aussi très malades, qui partaient à heure fixe et rentraient à heure fixe pendant des années en faisant croire qu'ils faisaient ceci ou cela, et qui en fait ne le faisaient pas. Je pense en particulier à un faux médecin qui a fait durer la fable pendant plusieurs années. Mais ceci, c'était en grande partie à cause de la pression du monde ambiant, la pression des braves gens, comme dit la chanson, la pression de la famille, des voisins, qui voudraient que l'on soit normal, que l'on ne choque pas, et que, voilà, qu'on rentre dans ce moule. De nos jours, avec le chômage, par exemple, quand on a passé 50 ans, ça devient très difficile de trouver du travail, mis à part peut-être des petits remplacements éventuellement bien payés, mais qui ne durent pas très longtemps, ou alors des travaux à temps partiel, quel est le sens d'un travail quand c'est une heure, deux heures par jour, et quand c'est même pas forcément tous les jours. Il y a comme ça énormément de... Moi, je vois souvent dans les offres d'emploi de Pôle emploi, des offres de personnel de nettoyage, deux heures par semaine, deux fois une heure, deux fois deux heures, des choses comme ça qui sont, ma foi, pas très raisonnables, puisqu'à ce moment-là, ça bloque aussi ces heures, ça bloque les jours où on travaille. Quand on travaille, par exemple, de 7 à 9, deux jours par semaine, bon, on ne peut pas ensuite travailler autre chose de plus régulier à partir de 8 heures. Bon, ce sont des exemples. L'image des autres, l'image du chômeur est négative. Il va y avoir une pause. Et maintenant, la chanson Synchronous Love du groupe Shearer sous Creative Commons. Après cette pause, oui, l'image des personnes, l'image des, des personnes qui ne travaillent pas, qui ne sont pas comme les autres, est très important. Il y a encore une catégorie à laquelle je pense, ce sont les artistes. Là aussi, on peut cumuler les casquettes, être à la fois artiste, à la fois malade psy, etc. Mais les artistes aussi, c'est quelque chose qui peut être très mal vu par l'environnement, parce qu'ils ont des horaires très irréguliers. S'ils sont musiciens, j'ai connu un batteur qui se mettait à écouter de la musique en pleine nuit. Forcément, comme il n'avait pas forcément à se lever très tôt, c'était pas gênant pour lui d'écouter des morceaux, des standards de jazz à 3 heures du matin. C'était quand même très mal vu de son voisinage. Et il a dû déménager. C'est un exemple. Mais c'est tout ceci, toutes ces catégories font que la vie ensemble n'est pas facile. Et l'image que l'on a des uns des autres, en fait, est toujours... voudrait toujours être normative. Et en fait, on aime bien avoir des voisins, on aime bien aussi avoir des gens... on est d'ailleurs obligé d'avoir une famille. Mais on aimerait bien que ce soit lisse, qu'il n'y ait pas de pierres d'achoppement, pas de choses choquantes, pas d'orientation qui nous déplaise. On pourrait parler de l'orientation sexuelle, on pourrait parler de l'orientation politique aussi. Toutes ces catégories qui font que les braves gens voudraient que l'on vive, que l'on suive la même route qu'eux, une route sans surprise, avec peu d'arbres, et puis peu de virages. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Oui, bonjour. Donc, moi, en fait, j'ai un peu cette interrogation. Qu'est-ce que c'est exactement, finalement, un malade psychique? Et à partir de quand on se sent soi-même malade psychique? Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas... un besoin de définition par rapport à ça, parce que, je sais pas, pour moi, c'est pas clair, en fait. Donc c'est cette question-là que je voulais poser, en fait, s'il y a des gens qui peuvent me répondre. Alors, en réponse à la question de Carole, il y a une chose qui me semble... pas forcément caractérisé à tous les coups, mais être un indice que l'on en souffre de maladie psychique, c'est le fait que l'on n'ait pas seulement vu un psychiatre une fois, mais qu'on le voit régulièrement et pendant plusieurs années. Et puis le fait que l'on ait, que l'on recourt à des maladies, à des médicaments, psychotropes ou des régulateurs d'humeur, des thymorégulateurs en d'autres termes, ou alors ce type de médicament, et qu'on le fasse régulièrement pendant un certain nombre d'années. Voilà, c'est mon point de vue, il va y en avoir d'autres. Après, ce que dit Carole, c'est un peu vrai, parce qu'en fait, t'as un quart de la population française qui prend des psychotropes, entre les médicaments contre l'anxiété et les antidépresseurs. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a un quart de la population française qui a un handicap psychique? Je pense que la réponse est... Il n'y a pas de réponse vraiment. Je pense que chacun a sa façon, j'allais dire presque, d'aborder ses problèmes psychiques. Il y a les problèmes psychiques qui sont pris en charge, qui sont soignés, qui sont suivis. Et il y a tout un tas de malaises psychiques, d'ordre psychique, qu'on peut comparer à des maladies mentales, qui ne seront jamais enregistrés comme des maladies mentales, et pourtant, toute leur vie, ils en souffriront. Le terrain est propice. Quand le terrain est propice, bien sûr, la maladie mentale peut s'installer. Mais on ne soigne pas tous les malades psychiques, bien sûr, bien loin de là. Heureusement, d'ailleurs, parce que ces aspects ne les empliraient pas. On peut considérer que si vous allez dans la gare de Nantes, un tiers des gens qui sont là souffrent de troubles psychiques. Évidemment, ils ne vont pas tous à l'hôpital. Mais ça fait aussi partie, quelque part, de troubles psychiques, c'est-à-dire d'une maladie psychique. Je crois que le plus intéressant, c'est dans le mot « handicap ». Handicap signifie, en gros, ne pas être capable de se suffire à soi-même, ne pas être capable de se nourrir par son travail, c'est-à-dire ne pas avoir d'emploi, ne pas tenir d'emploi qui vous font gagner votre vie, comme on dit. Donc à partir de là, il faut des mesures que tout le monde subit finalement au début, qui sont une AAH ou une invalidité ou des choses comme ça, dont l'effet pervers est évidemment de pas stimuler les gens à retourner au travail. Mais il faut faire attention entre handicapé psychique et malade psychique, il y a une différence. Voilà, suite à un débat entre nous, je voudrais encore ajouter quelque chose. Qui décide des normes de la société? Qui fixe plus ou moins les images dominantes? Pour moi, après l'échange que nous avons eu, c'est en premier lieu l'image qui est donnée par les médias et surtout par la télévision, aussi par le cinéma, mais surtout la télévision, qui donne une certaine image, qui véhicule aussi les messages des hommes politiques qui veulent dire ceci ou cela. Ensuite, il y a d'autres lieux qui sont des lieux de normativité. On disait que les instits passaient par des écoles normales, et c'était bien pour que ces instits ensuite forment des enfants normaux. Donc il y a l'éducation, les écoles, et je crois que les livres scolaires peuvent être une source de lieux communs et de choses qu'il faut penser. Bien souvent, on sait que dans les livres, par exemple, qui sont destinés à l'apprentissage des langues étrangères, on voit les hommes qui font telle ou telle activité, les femmes d'autres activités, et c'est quelque chose qui est souvent très très stéréotypé. Et il y a un autre lieu de normalisation qui sont les familles. Familles au sens large, et les lieux de vie, ce qui se dit, ce que l'on ressent du regard des gens, qui fait que on sent très bien, déjà un petit enfant sent déjà ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. J'ai travaillé avec des enfants d'âge scolaire, des petites classes, CE1, CE2, ils savaient déjà très bien jusqu'où ils pouvaient aller dans leurs bêtises et jusqu'où ils ne devaient, et puisqu'ils ne devaient pas faire. Et la normalisation, elle passe déjà, elle se fait à ce moment-là. Ils savent bien ce qui est permis dans une classe et ce qui n'est pas permis. Voilà, est-ce que quelqu'un veut rajouter encore quelque chose? Oui, tu parles des médias comme un vecteur de des médias ou l'éducation. Moi, je pense que c'est lié à deux termes, peut-être pour moi, plus à l'ignorance et l'ignorance et la peur. Je crois qu'on est dans une attitude excluante à partir du moment où on n'a pas la connaissance des choses, mais une connaissance pas forcément livresque ou intellectuelle, mais une connaissance de proximité, c'est-à-dire connaître tout simplement des gens qui sont dans cette situation. Et la peur, parce que ça, oui, effectivement, les personnes bien, entre parenthèses, bien portantes à ce niveau-là, ont certainement par cette ignorance ont une peur aussi des troubles psychiques. Mais bon, je sais pas, c'est peut-être un peu confus ce que je dis, mais je crois que c'est avant tout un problème un problème d'ignorance et quelque chose qui est très basé sur quelque chose de normatif, quoi. Voilà, bon, c'est... Et maintenant, la chanson Gold de Zoé Lila, sous Creative Commons. the light. Somebody got cut under the gun. I'm like a shot. Kill you with words. My shit is laid out. Sick to be cursed. Now you get played out. Wanna know who I am? Better taste my name. I hit to fame. Defining my own name. There ain't no labels to describe. Mashing up styles. I'm busting the hype. Listen when I speak. It is unique. Straight street. Blueprint deep. Dig it. I'm a product of my own. Keep the shit you spit or you're going down.